chanson qui va me rendre malade. Il n'est jamais là tous les soirs, il se refait sa life. Je m'apprête à me faire toute belle pour lui, mais il n'y a personne, y a personne. Il est minuit, je regarde chaque minute. Allongé sur le lit, je ne peux pas fermer l'œil. Est-ce qu'il est tout seul ou avec une fille? Je me sens si seul, j'étouffe, à force ça m'épuise. Cette fois-ci ça suffit, oh, ce soir on va pas se louper. Tu m'as prise pour une idiote, aucun respect pour notre couple. Cette fois-ci ça suffit, oh, ce soir on va pas se louper. Bye, Lingay Def, Lingay Def, Lingay Def, Lingay Def, Lingay Def. Bye, Lingay Def, Lingay Def, Lingay Def, Lingay Def, Lingay Def. Bye, Lingay Def, Lingay Def, Lingay Def, Lingay Def, Lingay Def. Bye, Lingay Def, Lingay Def, Lingay Def, Lingay Def, Lingay Def. J'en ai marre de toujours écouter tes blagues. Y'a pas d'actu, y'a que des paroles. Oui, je dis que tu m'aimes pas, on se comprend pas, tu ne joues pas ton rôle. Chaque minute allongé sur le lit, je ne peux pas fermer l'œil. Est-ce qu'il est tout seul ou avec une fille? Je me sens si seul, j'étouffe, à force ça m'épuise. Cette fois-ci ça suffit, oh, ce soir on va pas se louper. Tu m'as prise pour une idiote, aucun respect pour notre couple. Cette fois-ci ça suffit, oh, ce soir on va pas se louper. Tu m'as prise pour une idiote. Bye, Lingay Def, Lingay Def, Lingay Def.